Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle tout d'abord que si vous achetez ce soir à la pause votre billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'enregistrement de cette première partie sur cassette. Que la prochaine conférence de Daniel aura lieu vendredi prochain à 20h et aura pour titre Être capable de dire non. Le mini-séminaire sur l'organisation du succès donné par Daniel Kemp est complet pour mercredi prochain. Il y a encore quelques places pour la semaine prochaine. Ce mini-séminaire est gratuit. Pour les personnes intéressées, il débute à 17h30. Les personnes qui veulent y participer doivent réserver à l'avance et pour cela, il faut voir Mario Gosselin. C'est votre dernière chance ce soir pour vous inscrire au séminaire de fin de semaine sur l'organisation du succès donné demain et dimanche par Daniel Kemp. Alors, on sait qu'il va pleuvoir cette fin de semaine, profitez-en. Ce soir, je suis heureux de voir que vous n'avez pas été au fameux feu d'artifice de la Ronde. Il va y avoir un feu d'artifice ici, question de sexualité. Il y a bien de l'artifice et du feu là-dedans. On accueille ce soir non pas un sexologue, mais un spécialiste de toutes les questions qui concernent l'ontologie, c'est-à-dire la science de l'être, en la personne de Monsieur Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Pour tenter de faire passer ce sujet de ce soir, la sexualité, au-dessus de la ceinture, je me suis amené un crayon spécial pour des questions. J'ai vu beaucoup de personnes qui se tirent sur la Branché. tête, alors au-dessus de la ceinture. Oui. C'est mon antenne supramentale. Eh bien. Alors, il semble que on ait besoin de stimulants continuellement dans notre vie, peut-être parce que nos vies sont pas suffisamment remplies. On a besoin pour les remplir de stimulants tels que le café, tels que la cigarette, tels que le LSD. Ou la sexualité. Alors la sexualité, c'est une part très importante de ces stimulants dans notre vie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, bien que je sois complètement dégagé des questions sexuelles. Fut un temps où je m'intéressais beaucoup à tout ce qui touchait le sexe à pile. Aujourd'hui, le sexe, ça va encore, mais ce sont les piles qui sont à plat. C'est que ça me travaille beaucoup moins avec l'âge. Mais c'est ça, à force de croquer la pomme et de s'apercevoir que toutes les pommes sont truffées de pépins, un jour on finit par avoir une certaine sagesse, un certain recul face à cette question. Alors il va être intéressant ce soir de voir comment Daniel Kemp envisage donc la sexualité de l'homme nouveau. Peut-être pour commencer, ce serait intéressant de savoir comment l'homme ancien l'envisageait. Autrement dit, nous autres. Bon, premièrement, la question à savoir si l'être humain est sexué ou non, je crois qu'elle ne se pose pas. Si tu veux remplir une salle de conférence, tu fais une conférence sur la sexualité. Alors, si un extraterrestre n'est pas convaincu, on peut lui passer le tuyau. La sexualité. On dit dans un certain livre que la femme est née de l'homme. Qu'elle a été créée d'une côte de l'homme. On dit dans d'autres livres de même nature que la femme, elle est là pour servir l'homme et que si elle sert l'homme d'une façon parfaite, elle aura des chances de se réincarner en homme et il n'y a que l'homme qui peut arriver à être sauvé. Bon, et ce genre d'hypothèse sur la féminité fonctionne très bien encore aujourd'hui et marche même à Montréal, dans certaines sectes. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi de naître homme. Bon, il y a l'humain, qui aussi en français peut porter le nom de homme. Il y a l'homme. Et l'homme est divisé en deux polarités, le mâle et la femelle. Là-dessus, je crois que pas un seul sexologue va oser s'objecter. Bon. Mais pour le reste, la femme n'a pas été créée d'une côte. L'humain a été, ou l'humain s'est divisé en deux à un moment donné au cours de son évolution, de façon à pouvoir agir différemment.

C'est ça, la sexualité de l'homme nouveau. Ça en vient à grands pas. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir hâte d'avoir un orgasme de la glande pinéale. Mais en tout cas, je remercie en votre nom, Daniel Kemp, pour cette excellente conférence.